La nuit dernière, je faisais une randonnée nocturne histoire de me détendre à bord de mon corbillard d'époque, tiré par deux magnifiques chevaux noirs très squelettiques. Bon, j'avoue que je ne passe pas inaperçu, même en pleine nuit. Mais c'est plein de charme. Lorsque passant devant le plus important cimetière de la ville, je remarquai une silhouette qui semblait s'affairer à creuser. Je m'approchai du fameux personnage et je lui communiquai à haute voix mes réflexions qui fut celle-ci. Enfin, un service au volant. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsqu'il tient ses propos à ses patients. N'ayez crainte, tout rentrera dans l'ordre. Après ceci, vous ne serez plus jamais malade. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated. Cause Pendragon said so. Go. le punk, t'aimes le oi, t'aimes le ska, t'aimes le hardcore et t'aimes le psychobilly, eh bien écoute Ska et Punkka tous les jeudis. Non, non, tous les vendredis. Entre 21h et 23h, sur les ondes de C'est Fou, la radio campus de Trois-Rivières. Avis de recherche. Toi. Rejoins l'équipe de C'est Fou pour partager tes passions à la population de la grande région Trois-Rivières. Pour information, c'estfou.ca. Suivant. Qu'est-ce qui te vaut cette présence en enfer, mon cher? Ah, je le savais que ça finirait mal, cette histoire-là. De quelle histoire tu parles? Écoute bien, j'étais à la barrique, pis là j'étais vraiment en train de me gâter. De la bière, des fromages, du pain, des chocolats, écoute, tout le kit. Quand tout à coup, pouf, me v'là en enfer. J'étais pourtant allé à la confesse dernièrement. T'es pas le seul de même. La barrique pis ses nombreuses bières, c'est aussi le fournisseur officiel ici. C'est-tu pas le paradis en enfer, ça? La barrique, 41-70, boulevard des Forges, voisin de la cage au sport. Vous êtes à C'est Fou pour l'écouter. C'est Fou, 89.1. Je souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation en ce 25 février de l'an de disgrâce 2014. Je suis le Dr. Payne Pendragon et je suis avec vous jusqu'à 21h. Et peut-être plus, sait-on jamais. En ouverture d'émission, nous avons entendu ces merveilleuses formations Trash Metal, soit Testament, à l'instant avant cette pause publicitaire et la pièce Killing Season, que l'on retrouve sur l'album The Formation of Damnation, qui est paru en 2008. Nous avions Death Angel et la pièce Prophecy, que l'on retrouve sur le très bon album The Heart of Dying, qui lui est paru en 2004 sur l'étiquette Nuclear Blast. Destruction et la pièce Legacy of the Past que l'on retrouve sur la dernière parution de cette formation allemande, soit Spiritual Genocide, qui est paru en 2012 sur Nuclear Blast également. Nous avons Overkill et la pièce Battle qui débute avec des voix particulières. Pièce d'ouverture de l'album The Killing Kind qui est paru en 96 sur Concrete et nous avions ouvert ce bloc avec Razor, formation canadienne. Et la pièce Cross Me Fool, qui est tirée de l'album Evil Invaders, qui est paru en 85 sur Viper. On ne connaît pas vraiment le statut officiel de Razor. Sont-ils actifs? Ne le sont-ils pas? On sait qu'ils font quelques concerts à l'occasion, mais la dernière parution au studio date quand même de 97 sur l'album Decibels. C'est vraiment dur de dire ce qui se passe avec Razor. On sait que, bon, c'est plus la formation originale, bien entendu. Le chanteur Bob Reed, qui est là depuis... En fait, qui a fait 89-92 et qui est là de 97 à... On ne sait pas présentement si c'est le cas ou non. Fait un bon travail. J'avais eu l'occasion de le voir live. Il est très bon, très pro-live. Ça a quand même changé, le Razor. C'est plus vraiment ce que c'était. Donc, j'ai aucune idée de ce qu'ils font. Et puis, dans le fond, je m'en fiche pas mal. Ce soir, on a une émission extrêmement chargée parce que vous avez peut-être vu sur les sites de C'est Fou, peut-être sur les sites de réanimation aussi. Ce soir, je fais un spécial... Ah, Gustave! Qu'est-ce qu'il y a, Gustave? Oui, Gustave, les tout-petits sont arrivés, mais je comprends pas. Ah, les tout-petits morceaux. Oui, Gustave, oui, c'est ça. Oui, tu peux continuer tes chaudrons, Gustave, merci. Faut savoir que Gustave est maintenant mon cuisinier attitré. Et les tout-petits morceaux, ben, je vous laisse deviner ce que c'est. Parce qu'en fait, il est bon, Gustave, dans la cuisine. Hein? Il est en train de préparer une soupe extraordinaire. Il fait le bouillon à partir d'un os très gras. Donc... Puis je vous dis pas la provenance non plus. Donc, ça risque d'être délectable et je vais manger ça probablement après l'émission en compagnie de Gustave qui, lui, ne mangera pas parce que Gustave est un fantôme. Ben, c'est de la misère à ingérer les aliments solides ou liquides. Donc, ben, peut-être qu'il va revenir tout à l'heure, sait-on jamais. Il est un petit peu dérangeant, Gustave. Bon, j'ai une émission très chargée, effectivement, comme je le disais avant cette interruption brusque de ce revenant, qui est celle-ci. J'ai concocté un spécial Martin Van Dronen qui, en fait, il durera pratiquement une heure, donc je vous dirais pratiquement pas loin de la balance de l'émission à travers les petites chroniques que je vais avoir. Pourquoi? Parce que c'est un chanteur que j'adore énormément, que j'ai découvert il y a de cela, je dirais peut-être une année et demie maximum, un peu sur le temps, parce qu'il y a quand même une bonne carrière. Et je trouve que c'est un vocaliste métal qui est vraiment très flamboyant. Je dirais pas nécessairement sur scène, mais au niveau de son vocal. Mais avant de procéder à ce spécial, je vais faire une petite chronique musicale tout de suite, parce que je crains de ne pas avoir le temps, sinon... Et deux trucs que j'ai écoutés la semaine dernière, puis deux trucs, un assez ordinaire et l'autre assez pourri, merci. Le premier, c'est dernière apparition de formation trash metal américaine, soit Atriot. L'album s'appelle Dawn of the New Centurion, qui est paru sur Massacre Records. Moi, j'ai donné 6 sur 10 à ça, puis je vais vous dire pourquoi. C'est du trash très générique, qui voire même assez ordinaire, puis ça n'a pas énormément de saveur. C'est une jeune formation californienne qui fait exactement comme tous les autres bandes de trash depuis certain nombre d'années, c'est-à-dire tenter de refaire ce qui s'est fait dans les années 80. Mais malheureusement, c'est déjà fait, hein. Donc, je pense que il y aura peut-être moyen d'essayer de rafraîchir ça d'une certaine façon en faisant autre chose que du trash, parce que le trash est très redondant. Moi, j'ai pas vraiment apprécié, sans détester, j'ai trouvé que c'était ordinaire. L'autre truc que j'ai essayé, c'est le dernier album de la formation Hyrax, une formation qui donne dans un trash speed metal, formation américaine également. L'album est Immortal Legacy, qui est sur Steam Hammer. Ben ça, là, j'ai donné 0 sur 10. Honnêtement, là, je me suis posé la question de savoir si c'était une blague. J'ai été estomaqué lors des premières notes du chanteur, premièrement. Musicalement, c'est assez moyen. Là, on s'entend que c'est même assez poche. Je pense que le chanteur, là, Keaton de Pena, devrait faire autre chose que chanter, parce que... c'est pas sa tasse de thé, mais vraiment pas. Donc, moi, j'éviterai cet album-là. C'est cru, j'en conviens, mais je pourrais pas vous le conseiller parce que je suis un bien mauvais ami. Mais en fait, je suis pas votre ami du tout. Donc, écoutez-le donc à profusion. Peut-être que ça va vous rachever. Je serais tenté encore ici de la faire peut-être immédiatement, qui est la petite chronique cinéma, mais je vais la faire tout à l'heure parce que il y a quelques trucs, mais ça risque d'être un petit peu plus long, donc je vais pas vous assommer d'emblée avec ça. On va aller tout de suite avec cette petite courte biographie de Martin Van Dronen, qui est un vocaliste et qui est aussi un bassiste, qui est né en 1966 à Houdun, qui est dans une des provinces de Noord-Brabant, dans les Pays-Bas. Il aurait 48 ans présentement. Donc, en 1986, suite à la sortie de la première démo de la formation néerlandaise Pestilence, Van Dronen joint la formation en tant que vocaliste et bassiste. Il restera avec le Pestilence de 86 à 90. Il enregistrera avec le groupe deux démos supplémentaires en 87 qui portent les titres respectifs de The Sentry et The Penance, pour finalement enregistrer le premier album en 89 de Pestilence, qui était sous l'étiquette Roadrunner, album qui porte le nom de Malleus Maleficarum, que j'ai déjà passé ici à l'animation. On n'entendra pas d'extrait de cet album-là ce soir. Il a quitté la formation 90 pour se joindre à un autre groupe des Pays-Bas qui est Asphyx, avec lequel il a œuvré de 90 à 92. Il a quitté la formation pour y revenir en 2007 et y demeurer jusqu'à ce jour. Avec Asphyx a présentement à son actif 8 albums studio, un album live, des sorties EP et DVD. Entre cela, Van Dronen aura été recruté en 95 par le groupe death metal britannique Bolt Thrower. Van Dronen a effectué 2 tournées avec eux, mais il n'ira jamais en studio avec Bolt Thrower, pour des raisons qui sont obscures. En 2003, il rejoindra aussi Death by Down, une formation allemande avec laquelle il fera une démo en 2003 du titre de Dedicated to the Oppressed. Il sera suivi par un autre, qui s'appelle One Hand, One Foot and a Lot of Teeth, qui est le seul et unique album studio paru en 2006 par Death by Down, qui se sont dissous depuis en 2010. En 2006, le guitariste Stefan Gebedi, qui est le guitariste et vocaliste de la formation Thanatos, approche Martin pour un side project qu'il prépare. Il désire que Van Dronen joigne en tant que chanteur dans ce nouveau groupe qui est à mettre sur pied, qui portera le nom de Hail of Bullets, qu'on entendra bien entendu tout à l'heure, qui est un groupe death metal conceptuel qui se consacre musicalement à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Martin Van Dronen accepte et il fait office de frontman depuis ce temps. Trois albums sont parus sous ce nom, soit Hail of Bullets depuis 2008, soit Of Frost and War, On Divine Winds et Third, The Rummel Chronicles. Bien entendu, il y a des EP à travers ça. Je parle des albums studio complets, qui sont tous sur les prestigieuses étiquettes Metal Blade. Martin Van Dronen œuvre activement dans la scène metal depuis le milieu des années 80, donc ce qui fait quand même une excellente carrière derrière lui, une bonne feuille de route. Il y aura contribué aussi en tant que musicien et chanteur de session pour des formations telles que Legion of the Damned, mais ça en fait on s'entend que ce n'est seulement que pour des sessions de vocales, entre autres, sur certaines pièces en tant que telles, de Project 8 1999 et Suicidal Angel, pour ne nommer que ceux-ci parce qu'il y en a d'autres, mais des formations qui sont plutôt no-name. Martin Van Dronen, c'est un vocaliste particulier. C'est un gars qui a un thème de voix très, je dirais, accrocheur, en fait, en ce qui me concerne. Un thème de voix qui, à l'occasion, frise sur le bord de fossé, mais ça rentre excessivement bien dans le style de death trash que c'est les formations avec lesquelles il œuvre font. C'est un gars qui a une réputation d'être un chic type en plus, puis qui s'implique à fond dans tous les projets, les formations bien entendu avec lesquelles il travaille. Il est aussi réputé pour être un frontman charismatique qui sait bien mener la foule de par son interactivité avec elle. J'ai fait énormément de visualisation de clips dans lesquels Van Dronen œuvre live sur scène, et ce n'est pas un gars qui bouge excessivement. Mais effectivement, il a du charisme simplement par le type de regard qu'il peut faire à sa foule, simplement par deux, trois mots qui vont glisser entre les pièces. Les gens embarquent systématiquement et physiquement, il a vraiment, c'est vraiment une répétition, il a vraiment le physique de l'emploi, ce qui fait très, très, très trasher, il fait très berserker en même temps parce que c'est un blond qui a maintenant la barbe, les cheveux longs. Il fait excessivement, je dirais, nordique pour une musique qui est aussi très froide par moment. Ce spécial Martin Van Dronen va débuter dans quelques instants et on va entendre respectivement quatre pièces des deux premiers albums de Hasfix. Je vais tous vous les nommer immédiatement. Je vais en faire la récapitulation après le spécial. On va entendre Heisen Ban Morser, qui est tiré de l'album Death the Brutal Way, qui est paru en 2009. On va entendre une autre pièce du même album, qui est Score Boutiques. On va se diriger vers le dernier album de Hasfix, qui est Death Hammer, qui est paru en 2012 sur Century Media, soit la pièce Der Lancer et Into the Time Waste. On va, suite à ces quatre premières pièces-là de Hasfix, on va aller faire un tour vers Grand Supreme Blood Court, qui est une formation avec laquelle il œuvre aussi, qui ont un seul et unique album présentement. Et c'est une excellente formation, je dois le dire. C'est Sinistros qui me l'a fait découvrir l'an dernier, je crois. Je crois que c'est en 2012 quand ça a sorti, effectivement. On va entendre deux pièces de Grand Supreme Blood Court, soit All Rise et Veredictum Sanguis. Pardon. On va aller faire un tour après ça. Dans la section Hail of Bullets, 6 pièces retirées de 3 albums, soit Red Wolves of Stalin et Stalingrad, qui sont Of Frost and War. On va après ça sauter dans l'album On Divine Winds avec les pièces Operation Z et Unsung Heroes. Et on va conclure le tout avec 2 pièces du dernier album, Third The Rummel Chronicles, soit Pour le Mérite et The Desert Fox, qui sont, pour moi, des pièces très emblématiques de cet album que j'ai mis en deuxième position dans mon top 10 2013. Il se peut que vous ne m'entendiez pas avant une bonne heure, donc profitez-en pour vous reposer les oreilles de cette fatigante voix qu'est la mienne et savourer ce délice musical de Death Trash Metal qui est fortement supporté par Martin Van Dronen. Allons-y tout de suite. Go! Génie en liberté, émission d'actualité et d'information, tous les mercredis à 14h. La Julie Factory, c'est une boutique de laine et un atelier d'art textile. Venez vous détendre dans notre salon de tricot. Pour débuter ou vous perfectionner, notre équipe de pros vous éclaire à trouver des idées originales et adaptées à vos habiletés. Plusieurs choix de fils et de laine s'offrent à vous. Cascade, Noro, Fliss Artist, Zara sont disponibles sur place. De plus, nous avons tous les accessoires pour vos projets de tricot, de tissage, de feutrage et de filage. Obtenez 10% de rabais sur présentation de la carte étudiante. De l'aiguille au rouet, en passant par les métiers de table, la Julie Factory est imbattable. 140 boulevard Louis Fréchette à Nicolet. Soldats, vous êtes prêts? Ça fait des semaines qu'on se prépare, alors on passe à l'attaque! Défendez vos femmes, votre pays, mon Dieu! Avez-vous des questions? Ouais, moi j'ai une question. Est-ce qu'on peut aller aux toilettes avant? Aux toilettes! Aux toilettes avant! C'est con, hein? C'est pas toujours le bon moment pour rire. Pour ça, il y a l'impro tous les lundis à la Chasse-Galerie. Exceptionnellement, ce jeudi, le 6 mars, venez assister à la Huître Feutrée, un match d'improvisation dans une ambiance théâtrale douce et coquette. Comme d'habitude, 19h30, Chasse-Galerie, gratuit. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Eh bien oui, j'ai changé d'idée. J'ai décidé de faire une intervention, histoire de vous démêler un petit peu. Avant cette pause publicitaire, on a entendu quatre pièces de la formation Asphyx, soit Into the Time Waste, que l'on retrouve sur Death Hammer, qui est paru en 2012 sur Century Media. C'est ma préférée de Asphyx. Juste avant, Der Lancer, qui provient également de cet album, Death Hammer, qui est évidemment paru en 2012, vous en douterez. Et nous ouvert avec deux pièces tirées de l'album Death, Brutal Way, paru en 2009 sur Century Media également, soit Scarbotics et Eisenbahn Morser. C'est vraiment bon. J'adore ça. C'est vraiment le genre de métal qui me plaît au plus haut point. J'ai préparé le... En préparant le spécial la semaine dernière, j'ai écouté uniquement ça. À peu près dans toutes mes écoutes musicales, j'ai écouté pratiquement que ça. On va continuer tout de suite avec, cette fois-ci, une incursion dans la formation, avec la formation, ou dedans la formation, ou à côté, ou un petit peu par-dessus, selon l'angle où vous êtes. Grand Supreme Blood Court, deux pièces tirées du seul unique album jusqu'à présent paru, soit Bow Down Before the Blood Court, qui est paru en 2012 sur Century Media. On va entendre All Rise et Veredictum Sanguis. Grand Supreme Blood Court et la pièce Veredictum Sanguis que l'on retrouve sur l'album, le seul et unique album paru jusqu'à présent de cette formation, les Pays-Bas, Bow Down Before the Blood Court. Nous avions juste auparavant une autre pièce du même album, soit All Rise, qui est l'ouverture de cet album. Personnellement, je trouve ça très bon, mais entre les trois formations principales dans lesquelles œuvre Martin Van Dronen, je trouve que c'est peut-être un petit peu la plus faible, quoique faible étant fort comme terme, puisque c'est quand même excellent. Cette dernière partie de ce spécial Martin Van Dronen va être consacrée à sa formation Hail of Bullets. Comme je le disais tout à l'heure, en début de ce spécial, on va entendre six pièces tirées de trois albums différents de cette formation qui sont sortis entre 2008 et 2013, soit Of Frost and War, On Divine Winds et Third The Rummel Chronicles. On va entendre respectivement les pièces suivantes dans cet ordre. Red Wolves of Stalin, Stalingrad, Operation Z, Hansung Heroes, Pour le mérite et The Desert Forks. Allons-y tout de suite avec Hail of Bullets, assez très puissant. Go! Indie rock et tu cherches de nouveaux artistes à écouter? Ne manque pas Hors Zone tous les mercredis à 13h sur les ondes de C'est Fou. Chaque semaine, avec ma chronique culturelle, je vous présente un groupe indie rock. Hors Zone, c'est des entrevues, des quiz et évidemment l'indie rock à son meilleur. Avec Olivier et Carianne, Hors Zone, c'est assez fou. Je suis Hors Zone, je suis Hors Zone. Découvrez la magie de la Méditerranée à deux pas de chez vous au restaurant El Taouk. Cuisine libanaise, chiche taouk, shawarma, plats végétariens ainsi que spécial sur trio. Spéciaux étudiants. Surveillez les coupons rabais dans votre journal Zone Campus. Profitez de notre nouveau service de livraison. 840-6996. Le El Taouk, 3025 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. L'équipe du journal Zone Campus remercie Télécommunications Xitel de Trois-Rivières, grâce à qui vous aurez maintenant accès au journal directement en ligne. Merci à Xitel, fournisseur de services Internet haute vitesse et de téléphonie IP dans plus de 250 communautés du Québec. Xitel, allez plus loin. Vous êtes dans la zone 89.1. h 48, et l'émission tire à sa fin. On vient d'entendre avant cette pause publicitaire la troisième partie, dernière partie de ce spécial Martin Van Dranen, soit les pièces de Hail of Bullets, de Desert Fox et Pour le Mérite, qui sont respectivement tirées de l'album Third de Rommel Chronicles, qui est paru en 2013 sur Metal Blade, Unsung Heroes et Operation Z, tiré de l'album On Divine Winds, qui est paru en 2010 sur Metal Blade également, Stalingrad et Red Wolves of Stalin, qui sont tirés de Frost and War, paru en 2008 sur Metal Blade. J'espère que ça vous a plu, parce que moi, ça m'a plu énormément, et j'espère que ça vous aura incité à découvrir ces très bonnes formations, dont le vocaliste et nul autre que Martin Van Dranen, qui a un vocal excessivement puissant et très particulier. Vendredi 4 avril, côté spectacle, BCI présente Cataclysm, Aborted et groupes invités. C'est pour tous. C'était au Club Soda le vendredi 4 avril, comme je le disais, à 19h au coût de 20$ et 25$, taxes incluses, et disponible via les billetteries du Club Soda. Le Decibel Magazine Tour 2014 présentera Carcass, Black Dahlia Murder, Gorguts et Noisem. C'est le mercredi 9 avril prochain à 19h au Métropolis. C'est pour tous au coût de $30.43 et $34.78 plus taxes via Ticketmaster. Destruction, Crazen et Ex-Mortus seront le lundi 14 avril prochain à 20h au Fofones Électriques au coût de $21.26 taxes incluses via admission. Je n'ai pas vraiment le temps. J'ai à peu près pas le temps de vous faire de chronique de cinéma, malheureusement. Je vais me reprendre vraiment la semaine prochaine, mais je vais vous faire simplement une petite parenthèse pour que vous évitiez un film à tout prix. Il s'agit de The Hunger Games Catching Fire. Le premier film, j'avais trouvé que c'était original et très correct. En fait, selon les livres, il était même, ce que je ne les ai pas lus, mais ma conjointe les a lus et semble-t-il que c'était quand même assez fidèle du premier roman, du premier livre, premier tome, si vous préférez. C'est évidemment un film qui donne dans l'action science-fiction, qui raconte l'histoire de, dans un futur, je ne pourrais vous dire lequel, où il y a des districts et à chaque année, pour... faire plaisir au peuple, pour leur redonner du pep, puisqu'ils sont très opprimés. Bon, on organise des parties, des Hunger Games, qui les gens sont pris au hasard dans chacun des districts et doivent s'enfoncer dans une forme d'arène gigantesque et souvent dans un endroit naturel, en pleine forêt, et il doit n'y en rester qu'un que vivant. C'est une forme de gladiateur, nouveau genre, si on veut. Le deuxième, Catching Fire, c'est vraiment mauvais. Le premier, comme je l'ai dit, est acceptable, mais le deuxième est vraiment mauvais. Je lui ai donné un 0 sur 10. En fait, le film dure 2h26 et ce qu'on suppose être le début de l'action débute à 1h18 du début du film pour finalement qu'il n'y ait absolument rien. C'est un film pour fillettes. C'est un film pour... c'est un film qui est loin de s'adresser à des gens qui veulent avoir un film d'action parce qu'il ne se passe rien. C'est nul à chier. Donc, Hunger Games, là, évitez ça, s'il vous plaît. Parce que si vous allez louer ça, là, vous avez moins que rien à faire. Pour le reste, on y reviendra la semaine prochaine parce que le temps presse, évidemment. Je ne sais pas encore ce que je vais faire la semaine prochaine. J'aurai peut-être une petite incursion dans le black metal pour faire plaisir à certains d'entre vous, surtout certainement pas à moi, mais j'ai quand même une bonne âme, je vais penser à vous. Et puis là, quoi? Gustave encore? Non, t'aimes pas le black metal, Gustave, hein? Non, moi non plus. Mais il faut faire plaisir au tout petit morceau. Il dit qu'il est d'accord. Ah, d'ailleurs, Gustave s'est fait aller le pas de tête tout le long du spécial de Martin Van Dronen. Ça a été vraiment spécial de le voir se frapper le pas de tête partout. Comment t'as trouvé ça, Gustave? Il dit délectable, merveilleux, extraordinaire. J'aime beaucoup ce fantôme à l'occasion. Le temps de se laisser avec une dernière pièce de Sepultura, tirée d'un album de 1989. À l'époque où il faisait des choses intéressantes, je dois dire, parce que maintenant, je veux plus rien savoir de ça, là. L'album étant Beneath the Remains, c'est la pièce-titre de cet album. Nous allons écouter ça dans quelques secondes. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, bien, vous savez quoi? Ben, évidemment, allez tous vous faire foutre, bande de cons. Go!